325 activation oral, masculine and feminine forms. Listen and repeat according to the examples. Examples. You hear. 1. Est-ce que le jeune homme va être français? You say, non, c'est la jeune fille qui va être française. You hear. 2. Est-ce que la jeune fille va être américaine? You say, non, c'est le jeune homme qui va être américain. 3. Est-ce que le jeune homme va être japonais? Non, c'est la jeune fille qui va être japonaise. 4. Est-ce que la jeune fille va être anglaise? Non, c'est le jeune homme qui va être anglais. 5. Est-ce que le jeune homme va être français? Non, c'est la jeune fille qui va être française. 6. Est-ce que la jeune fille va être italienne? Non, c'est le jeune homme qui va être italien. 7. Est-ce que le jeune homme va être norvégien? Non, c'est la jeune fille qui va être norvégienne. 8. Est-ce que la jeune fille va être américaine? Non, c'est le jeune homme qui va être américain.